Rouge. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Ils vont délire ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. 3, 2, 1. Dès 20h, la trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Oui. Wow. Bonsoir, bienvenue, on est en direct, La Trappe, votre émission comme tous les mercredis soirs pour vous accompagner. J'espère que tout va bien. On est déjà le 7 juin. C'est marrant parce qu'on est passé de l'émission du 31 mai au 7 juin direct. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de... Un mois comme ça sans rien faire. Ah, direct. Ah, pas du tout. Super impressionnant. Tout va bien, ça va, tout le monde est installé. Oui. Avec en la forme. Chaleur qui fait les embouteillages. Non mais oui, ça ne s'arrête jamais. J'ai été très embêté. Oui. Je ne vous le cache pas. Je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi. Je vous le résume vite fait. Oui, vas-y. Allez. On n'est pas dans la merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pas que parce que l'imprimante est en panne et que je n'ai pas du tout mes textes, mais aussi pour d'autres raisons qui incombent la radio. Ah bien. Et la station. Nickel. Restez, je vous dis ça dans 3 minutes. Avant ça, il faut qu'on fasse la présentation de l'émission. Oui, ça va bien. Oui, ça serait bien quand même. Laisse-moi choper mon ordi d'abord. Voilà, et t'as vu, ça c'est écologique. Pas un seul papier, ouais, tout sur mon tout écran. Sur l'écran et tout. Voilà. Et, ben. Et tout dans la tête. Alors, je peux vous dire qu'on n'est pas dans la merde. Alors, pour démarrer, nous allons avoir le pour-toi de la semaine. Ouais. Car l'été arrive et on a des solutions. Oh, ah. Oh oui, si jamais ça vous angoisse, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout ça. Et, ah, oui, il y a des choses qui sortent de l'imprimante. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais des choses sortent de l'imprimante. Je me disais bien qu'il y avait un bruit de fond. Ouais. Tout se fait en direct. Hein. Voilà. D'accord, voilà. Maëva, ton sèche-cheveux, tu peux le démarrer maintenant. Ah oui, on est vraiment bien organisé. Dis que je suis mal coiffée, je te dirai rien. Pardon. On aura aussi le top 5 des chansons qui ont un sens caché. Donc voilà, des chansons très populaires qu'on écoute tous et qu'on connaît par cœur. Et cette imprimante, je vous jure, je vais la frapper. Bon, ça, tu lui as fait imprimer la moitié de... On peut pas lui donner un micro, non? Bah écoute, je pense que tant qu'à faire, autant qu'elle parle. Imprimante, ça va? Allez, parfait. Voilà. Qui sera notre invité dans l'interview combinée? Jean-Pascal Zadi. C'est qui? Alors, c'est une personnalité, c'est un humoriste qui a fait des films, qui est aussi réalisateur et voilà. Il est peu connu, mais ça va, il est très drôle. Mais ça va. Non, mais ça va. Je ne connais pas plus que ça personnellement. Il s'en sort. Il est imprimante aussi dans la vie? Il est imprimante aussi, oui. D'ailleurs, c'est lui qui est en train de parler. Ah, voilà, il me semblait bien. Maëva, comme chaque début de mois, on va avoir le droit à ta grande séquence. Oui, les sorties du mois de juin, du coup, vu qu'on est au mois de juin. Mais comme t'es la plus proche de l'imprimante, tu n'auras pas la parole durant les 3 prochaines minutes, étant donné qu'elle fait un bruit incroyable. Mais vu la taille de cette imprimante, on peut pas la sortir du studio. Elle s'arrête à 22h à peu près. C'est ça. À la bonne émission. Vous savez quoi, ça a la cool ici. Hein. On va faire des frites dans 3 heures, donc ça va. Il est possible qu'on entende des ambulances parfois aussi derrière, alors. Oui, mais ça, c'est relativement normal. Oui. Et on s'y est habitué. C'est ce qui fait le charme de cette émission. Sinon, un autre truc qui fait le charme de cette émission, c'est les journées mondiales. Oui. Ouais, en ce moment, c'est aujourd'hui la journée mondiale anti-contrefaçon. Ah bon? Oui, vous savez, la contrefaçon, c'est quand on fait des faux qui ressemblent à des vrais. Ok. Comme si Mylène Farmer devenait Vilaine Farmer. Arte, dis maman, pourquoi je suis pas une garzone? Voilà, c'est comme Mylène Farmer, mais en version allemande. Ça, je vois le délire. C'est bizarre quand tu dis contrefaçon, toi tu penses à ça, moi je pense à des sacs en fait, des chaussures, et toi tu pars dans des trucs que personne ne pourrait penser à ça. Mais c'est là-dessus qu'on nous attend. Oui, ah ouais. Oui, oui. On va pas aller sur Merci les trucs Jadoul. Que tout le monde. Bah justement, tu fais bien de l'ouvrir parce qu'on va te présenter avec une chanson qui t'est dédiée à, rien qu'à toi, à ton image, à ton effigie, Maëva. Vilaine Farmer a chanté pour toi. Parce qu'elle fait rougir, à mot dur on peut le dire. Sans gondre dans zone, elle est très ronchonne. Et pour faire souffrir, elle fait de nous des martyrs. Sans gondre dans zone, elle est très cochonne. Mais enfin ronchonne. Ouais, ça me semblait bien parce que... Il a l'absucé, ça va, il a le droit. L'absucé. L'absucé. L'absucé. Mm-hmm. En combien de mots? Bonsoir Maëva. Bonsoir. Comment ça va? Nickel, ça va très bien. Tu pètes de sourire, ça fait plaisir. Et je suis contente d'être là, moi. Ah ouais. Toujours. Même si t'es à côté de Kix. Mais enfin, je fais rien de mal, moi. Non, bah attends, t'as aussi ta chanson, toi. Puisqu'il est le pire, il ne va pas réfléchir. Zangandre Vazon, il est un choiseur. Ah. Et pour ne rien dire, il parlera sans en finir, puisque Zangandre Vazon, c'est un gros choiseur. Un choiseur, donc. Super, merci. Ah, ça fait toujours plaisir. Ah, bah, sois le bienvenu, j'espère que tu te sens accueilli. Hein. Ah bah là, oui, avec ça... On a fait ce qu'on a pu. Hein. Oui, j'ai vu. Plein de surprises dans l'émission. Merci de nous avoir choisis. Waouh, Jadoul et son équipe dans la trappe. Bon, je vous avais témoigné qu'on avait un petit problème. Mais bon, bah, on va essayer. Bonjour tout le monde, je me rends compte. Ah. De ça. Je fais ça maintenant. D'accord. Merci beaucoup. En attendant, on se fait plaisir dans la prog. Ouais, vas-y. Merci beaucoup. Merci. Voici l'homme pâle. Bienvenue. En fait, je vous explique, on n'a pas reçu la programmation musicale. D'accord. Ça t'arrange, je veux le titre. Ah bah oui. L'homme pâle, depuis le temps qu'on veut le passer sur la radio, eh ben on le fait maintenant. Soyez les bienvenus, on est en direct. La trappe, c'est jusqu'à 22h. Vous allez voir, plein de rebondissements ce soir. Je veux qu'ils le ressentent, m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Ah, et ce son, il fait plaisir. Des chauffeurs dans Bruxelles, et la soirée est longue. Avec la trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul, dès 20h, sur Gaïef. On a plein de surprises pour vous ce soir. Avant de faire le top 5, des chansons qui ont un sens caché. Et je suis sûr, vous pouvez connaître une anecdote sur un des titres qu'on va avoir. Mais c'est impossible que vous connaissiez toutes les histoires qui sont liées au titre que vous allez découvrir dans un instant. Oh, c'est vraiment de la musique connue ou... Ouais, ou ultra connue. Tu vas encore nous sortir des trucs... Ah non, ouais, on n'est pas dans des bides. Là, on est dans des vrais titres, des hits, comme on dit. Eh, il y a moyen, j'en connais 2-3, des petites anecdotes. Des tubes, comme on dit, sur des radios où on prend cette voix-là. Des tubes avec un P, alors. Bon, allez, laisse tomber. Dans un instant, c'est ce qui va arriver. Mais pour l'heure, il faut qu'on parle de l'été. Oui, vous savez, il y a cette fameuse salle de sport qui commence par basique et qui termine par fit, qui fait une publicité, qui fait un décompte tous les jours dans tous les médias de quand arrive l'été. Ça nous met bien le seum, ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'approche des vacances? Un petit peu de sport. On essaye d'avoir le summer body. Ah oui, c'est ça, je tombais plus sur le mot. Eh ben non, rien de tout ça. Voici la petite recette miracle. C'est la thérapie par les fesses. Quoi? Nickel. Mais c'est quoi le rapport? Ouais, vous n'avez pas rêvé, vous avez bien entendu. C'est la thérapie par les fesses. Parfait. Oui. On va lâcher prise avec un nouveau sport, ça s'appelle la... Boutithérapie. La quoi, là? Boutithérapie. Une danse qui nous réconcilie avec nos corps et notre féminité. Une danse de la liberté retrouvée, une danse qui n'est pas que de la danse. Bon, il y a du kiné en fond, j'adhère pas déjà. Mais c'est parfait pour bien twerker du kinvé. Ah ben le principe est simple. Donc on secoue nos fesses à travers des danses afro-urbaines pour libérer les tensions du quotidien, pour libérer les émotions, pour se réapproprier son corps. Je le fais bien? Ah bah attends, Maëva, Kix, on essaye, allez-y. Pas mal le déhanché, on va essayer juste d'améliorer ça. Il faut juste que tu laisses parler ton corps et tu verras la magie va opérer. Ah. Ok, donc on refait et tu laisses parler ton corps. Oh, mais c'est le coca, hein, j'y crois même. La blague facile, quoi. Oh, mon Dieu. Bon, sans rire, le booty shake, non, enfin la booty thérapie, est-ce que c'est au moins sympa? C'est vraiment le lâcher prise que je recherche et me retrouver, reprendre confiance en moi et retrouver mon corps et voilà. Bah, l'air de rien, on rigole, mais ça a l'air d'être un truc vachement sympa. Bah oui, c'est de la danse. Bah oui, non, oui. Après, se dire la thérapie par les fesses, c'est peut-être aller loin, mais le concept est là, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah franchement, bravo au final. Cette liberté, ce ras-le-bol de toujours devoir cacher son corps, c'est aussi une revendication. Un message que ces femmes font passer à travers des flash mobs. Des flash mobs? Mais non, des flash mobs. Là, je retourne 15 ans en arrière. Mais au secours, ça ressemblait à quoi déjà un flash mob, juste pour le souvenir? Ah, super. Voilà, je viens de perdre l'oreille. Tout va bien. Non, écoutez, c'est un peu comme du twerk, en fait, ce qu'ils font. Mais quasi, sauf que en fait, ils se soucient de rien, leur tenue, leur allure. Okay. Et vraiment, le but est juste de bouger son corps. Bah, de toute façon, t'as le temps, avant que la tendance arrive ici en Belgique. Là, on était à Marseille avec France 3, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Donc, tant que ça arrive chez nous. La boutithérapie, ou danser pour apprendre à s'aimer et à s'émanciper. Alors, entrez dans la transe. Oh. Merci pour le jeu de mots. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Bonsoir, bienvenue. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas fait dans l'émission un petit top 5. Ouais, ça fait du bien, Krivian. Ça fait du bien. Enfin, non. Parce que vous allez voir, vous allez plus du tout entendre de la même manière les 5 chansons qui sont dans ce top. Elles ont toutes un sens caché qui n'est pas forcément... Ouais, plaisant, enfin, ok. Il saute pas aux yeux. Ok. Ou à l'oreille, plutôt. On va commencer avec ce titre cultissime des Fool's Garden. Maëva, le titre. Lemon Trees. Oui. Et je sais c'est quoi l'histoire. C'est vrai? Mais oui. Vas-y, essaye. Alors, Lemon Trees, donc c'est le citronnier. En fait, il raconte qu'il n'arrête pas d'en voir un parce qu'en fait, la copine du chanteur est morte d'un accident de voiture, enfin d'un accident dans un citronier, et elle en est morte. Oh, c'est sympa. Et donc cette chanson parle de ça. Exactement. Mais oui. Bravo. Voilà, je savais que vous en connaissiez au moins une d'histoire sur les chansons. Bah, donc, c'est un jukebox alors. C'est incroyable que cette chanson toute joyeuse. Oui. Et au final, un drame absolu. Il a perdu sa tendre et bien-aimée. Bah, regarde, Stromae. Stromae avec ses musiques, c'est aussi des musiques. Ouais, mais c'est en français, donc on comprend que c'est grave. Ouais. Voilà. Quand il chante l'enfer, on sait qu'il n'est pas au paradis. Ouais. Bon, on se fait le deuxième. J'ai même pas besoin de dire le titre puisque Maëva, elle se croit en blind, elle se croit en blind test, donc on y va. Hein. C'est Pumped Kicks et je ne sais plus le qui chante ça. Pumped Kicks. Ouais. Oui. Non, c'est le titre. Et les gens, c'est Foster the People. Foster the People. Et je sais aussi l'anecdote. Mais non. C'est l'histoire d'une fusillade dans une école et les Pumped Kicks, c'est les chaussures des enfants qui rebondissent en fait, les chaussures avec les bulles dedans, et en fait c'est ce qu'on entend rebondir parce que les enfants se sont sauvés pendant la fusillade, et c'est ça l'explication. Bah tiens, je vais te donner mes feuilles. Allez, tiens. Et t'as l'antenne, hein. Non mais c'est vrai, c'était le 14 septembre 1999. 13 personnes étaient décédées là, dans cette tuerie de masse dans le lycée Columbine aux États-Unis. Et cette chanson est ultra joyeuse alors qu'elle raconte en fait l'histoire d'un enfant victime du harcèlement scolaire qui monte une vengeance contre ses camarades et qui s'apprête à commettre un massacre dans son école armé d'un pistolet. Et c'est peut-être plus facile à entendre en anglais qu'en français. Et ça rend la chanson joyeuse pour les francophones. Mais je peux te dire qu'en là-bas, ça ne sonne pas pareil. Bon, on la mettra plus en story du coup. Oh non, non. Imagine, t'es au parc avec tes enfants, tu mets. Ça va les enfants ? Regardez, j'ai acheté des nouvelles chaussures. Oh, c'est horrible. Très anxiogène. Bon, on continue alors sur ce. Maëva, dis-moi. Je ne sais pas du tout. C'est une rupture, non ? Je pensais. Pas du tout. Ah, ok, non, pas du tout. La Macarena de. Los Del Rio. Oui, pardon, désolé. Ça parle d'une meuf qui attend que son mec se casse pour se taper ses meilleurs potes. Eh, Macarena. Ah non, c'est sûr, parce que là, même en mariage, vous n'allez pas l'entendre pareil. Elle raconte donc l'histoire d'une meuf qui n'est plus du tout in love de son mec et qu'elle attend juste qu'il se barre pour faire des galipettes avec ses meilleurs copains. Et par la même occasion, on entend même qu'elle dit « Maintenant, avoue que je suis ce que je suis supposé faire, il était temps de quitter la ville. Tes deux amis étaient si sexy. » Voilà. Ah, voilà. Voilà. Génial. Et Macarena. Toujours très sympa. Allez, attention, légendaire celui-là. On connaît tous. Ouais, c'est le Jump de Van Halen, non ? Exactement. Mais en j'ai fait, pas l'histoire. Bah, ça parle d'un mec qui voulait se suicider. C'est l'hymne de l'OM en plus, hein, donc dites-vous. Ce titre en fait a plusieurs significations évidemment, mais la principale référence était à une actualité vue à la télé racontant l'histoire d'un homme qui était sur le point de se défenestrer, d'où le titre Jump. Donc cette chanson parlerait aussi d'une stripteaseuse. Mais quand on voit les paroles, c'est quand même « Ah, tu feras mieux de sauter, vas-y saute, saute, saute, saute, j'ai dit saute, je ferai mieux de sauter moi aussi, allez saute, saute. » Mais c'est cruel. Voilà. Ou alors ça parle d'une soirée endiablée. Je ne sais pas, mais ce titre arrive bien en numéro 2 de notre classement des chansons qu'on a, hein, sans se cacher. Tu tues toutes les soirées en fait avec tes infos. Ah oui, non, mais là c'est mort, hein, changez vos playlists. Hein. Surtout avec celui-là. Lady Gaga, Poker Face, mais exactement. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne savais pas de quoi ça parle. Non, on ne veut pas savoir, on ne veut pas. Oui, parce que celle-là, on l'aime bien en soirée. Ouais, on l'aime beaucoup. Eh bien, Lady Gaga n'avoue pas du tout qu'elle est une grande joueuse de poker dans cette chanson, hein, même si elle dit « Mets ta banque en lieu sûr avant que je la dévalise, je te promets, vérifie mon jeu de cartes car je suis merveilleuse. » Là, on est sur du poker, on est bien d'accord. Ouais. Bon. Un bon jeu de mots en anglais et pas du yaourt. On l'aurait peut-être remarqué plus tôt, mais en fait, la chanteuse évoque surtout dans sa chanson la bisexualité, notamment quand elle dit « Non, il ne peut pas lire mon visage impassible. » Et en fait, c'est un jeu de mots. Et donc là, plus trompé, elle parlait de la bisexualité dans sa chanson. Donc, Poker Face, c'est les deux faces. Ok. Voilà, voilà. Ça ne m'étonne pas d'elle. Biface. Biface, oui. Tu vas voir dans le couloir pour les jeux de mots. Incroyable. C'est très Lady Gaga ce type de sujet. À retrouver en podcast si vous voulez aussi foutre le seum à vos potes qui adorent ces chansons-là, évidemment. Dans quelques instants, retrouvera Claude, comme chaque jour dans ce mois de juin. Ah, il est en forme lui? Bah, on verra, il cherche toujours un métier. Hein. Ah, oui, c'est ce que j'allais dire, il a trouvé un job d'été? Ben non. Ah, ok, d'accord. Enfin, peut-être, on va voir, on va se connecter à lui. Il est censé nous faire découvrir le métier qu'il a essayé cette semaine. J'espère pour lui que ça va marcher parce que le pauvre, il a besoin d'argent ce garçon. Hein. Oui, et pas que. Et pas que. Ouais. Enfin, tout ça, ça se passe dans un instant. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Vous habitez à Téla Région. Votre état de santé nécessite des soins réguliers ou occasionnels. Ce serait dommage de confier le travail à un bricoleur. Ne cherchez plus. Une large gamme de prestations à domicile, assurées par des professionnels de la santé. Incendie, hospitalisation, la prévoyance obsèque, mais aussi les meilleurs produits financiers pour épargne, pension, placement et prêt hypothécaire. De la toilette aux soins palliatifs, en passant par les pansements et injections par voie sous-cutanée, bol tibétain, tambour unisson, bracelet de lithothérapie, lampe de sel, fleur de bac, savon la bulle de Maryse. L'infirmière à domicile accompagne le patient pour son confort et son bien-être. Pour les personnes dépendantes, l'infirmière prodigue des soins négligés pour permettre aux patients de conserver leur autonomie. Un sage conseil qui vous sera utile, inscrivez dans votre répertoire paramédical le 068 19, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h, samedi de 9h30 à 12h, sur rendez-vous, visitez le site viandedeboeuf.be. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Et un, deux, un, deux. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Retour sur notre quête de l'été. Claude, un ami de l'émission, cherche un job pour ces deux mois de vacances. Il est en liaison avec nous. Qu'est-ce que vous allez essayer pour nous cette semaine, Claude? Eh les gars, tu y penses, il n'y a pas de tête à ton poney là? Ah oui, bonsoir, c'est ton option. Quel poney? Vous parlez de quoi? Vous êtes où? Bah hier, j'ai fait mon premier jour à la formation touristique. C'est pour piquer des sous à tous ces Japonais qui viennent visiter Bruxelles. Ici, on voit sur deux jours comment proposer des balades en calèche pour promener ses couillons en échange d'un max de fric, quoi. Sauf que je me suis ruiné la gueule hier soir à l'agneau, j'ai aucun souvenir du cours de conduite de cette grosse machine à merde. Ça s'appelle un cheval et en conduire un, ça ne s'apprend pas en seulement deux jours, Claude. Ah, t'es un malin, toi. Et qu'est-ce qu'on fait si Claudie, il est pressé? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il prend sa patience en main et il va faire un peu d'équitation avant de se lancer là-dedans. Exact, de la liquidation, hop. Ah, j'ai trouvé la tête de ce gros coquin avec des sabots. Coucou, toi. Coucou, mon gros. Comment ça va? Comment ça va? Ah, c'est bien, vous avez trouvé la tête, mais vous allez faire quoi, là? Allez, camarade, bois ça. Mmh, c'est bon, mon gros, c'est bon. Allez, bois. Allez, camarade, bois un petit peu, ça. Oh, c'est bon, hein? Hein, c'est bon, gros. Vous lui faites boire quoi, là, Claude? On n'a pas les images, on s'inquiète. Et du carburant pour papa aussi. Même chaud des secoués, c'est une merveille. Claude! Ça va, hein, y a pas mort d'homme, hein? Oh, attends, y a des enfants. Je vais les prendre dans ma calèche. Coucou les petits potes. Vous voulez faire un tour dans ma Tesla Made in Wallonie? Allez, montez les enfants, allez. Claude, je sais pas si c'est une bonne idée, hein, déjà de vous savoir avec des enfants et puis avec votre manque d'expérience à conduite de cheval, ça va finir en drame. Elle est où l'autoradio de cette auto-chevaline? Bon, tant pis, allez, je démarre. Allez, allez, Suze. Allez, là-bas. Claude, y a pas un petit problème de galop dans votre cheval, là? Est-ce que t'es cheval? Wow, vos gueules, hein, les gamins, à l'arrière, là. J'ai un problème d'embrayage sur le chevaux. Peut-être que s'il voyait une poulette cheval, il irait plus vite, hein. C'est pas, hein. Bon, on n'a plus le temps. On va acter que faire des balades en calèche, c'est pas fait pour vous, Claude. Adieu, le fric facile. Tous ces guignols de touristes en sandalettes avec leur sac banane, là. Bon, on en reste là, on vous retrouve dans une heure, Claude. Allez, bise, mon bon Jadoul. Et t'inquiète, hein, je vais trouver le job qui me conviendra comme un gant, promis. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Bienvenue. L'émission s'appelle La Trappe, vous nous avez choisi, Emma, Eva est là. Il y a la lumière, enfin, elle a eu lieu hier soir, enfin hier dans la journée plutôt, et il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités, donc elle a eu lieu sur Android et iOS, oulala. Qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Attendez, non mais je pense qu'on a pas... Non, on va réécouter, j'ai pas bien compris. Non. Si, attends. Oui, bah YouTube va avoir de publicités plus longues. Va. Et on fait tout sauf ça. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. C'est que de l'amour, parce que la semaine dernière, en plus, elle a fait une superbe chronique sur les VPN et j'ai reçu plein de messages après, des gens qui m'ont dit « Waouh, je ne savais pas ce que c'était un VPN, on m'en parle tout le temps dans les vidéos YouTube, je n'y comprenais rien » et là, j'ai tout compris. C'est à retrouver en podcast, évidemment partout, maintenant qu'on est à jour dans tous nos podcasts, La Trappe avec Jadoul, vous tapez ça sur tous les moteurs de podcast. En attendant, voici un nouveau point, mais spécial début du mois de juin. Oui, tout à fait. Ben voilà. J'ai eu un gros bug. Donc, c'est les sorties du mois de juin, en effet. Donc, c'est notre petit rendez-vous mensuel. On commence, comme d'habitude, par le cinéma. Ça sort aujourd'hui, c'est le nouveau Transformers Rise of the Beasts. Donc, on connaît tous la série de films, mais cette fois-ci, ça va être un peu différent parce que ça se passe dans les années 90 et dans les quatre coins du globe. Donc, okay, voilà, okay. À voir. Toujours... non, ça, c'est la semaine prochaine. C'est The Flash pour les fans de super-héros et plus spécialement de type... Tu me regardes en rigolant, tu viens de me montrer que je peux bugger, donc ça me fait bugger, voilà. Non mais parce que je me suis dit, attends, elle était partie sur quelle plateforme? Et après je me suis dit, mais non, elle parle pas de plateforme, elle est au cinéma. Mais toujours, même si tu n'aimes pas le cinéma, je commence toujours par le cinéma. Mais j'ai pas dit que... On va pas faire à chaque fois, bref. The Flash, donc, qui sort la semaine prochaine. Toujours la semaine prochaine, le nouveau Disney Pixar, élémentaire. Ça se passe dans une ville où il y a les habitants feu, eau, terre, air, donc voilà, qui cohabitent. Ça peut être sympathique. Pixar, ils nous étonnent toujours. Ouais, et puis ils sont doués. Voilà. Et le 28 juin, donc dans 4 semaines, c'est le Indiana Jones. Je savais pas que c'était encore possible, que ça existait encore. Mais ils sont tous morts, les gens qui faisaient Indiana Jones. Écoute, non, il y a toujours Harrison Ford dedans. Il est très en forme en plus. Voilà, c'est Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Voilà. Ouais, avec son déambulateur, c'est très sympa. Imagine qu'à son âge, il a un meilleur corps que moi, mais c'est dingue quand même. Mais, bah, beaucoup de gens, bah, tu sais, oui, à nous oui. Deux, oui. Mais bon, on fait pas les malins. Oh. Le summer body, nous, ouais. Nous, on essaie déjà de viser le spring body, et puis on se dit, oh, le autumn body, et puis c'est le winter body, là. On se laisse complètement aller. Alors, sur Netflix, maintenant, ça y est, je passe aux plateformes, t'es content? Il y aura la série Mystic Bay, donc c'est une série surnaturelle qui mène enquête mystérieuse et pouvoirs surnaturels. Sur Amazon Prime, c'est pour les fans de super-héros, il y a Heroes United. C'est une série avec tous les héros les plus emblématiques de l'univers Marvel. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as passé ça? Normalement, on doit passer des petites phrases encourageantes, pas se moquer des gens. Mais je me moquais pas de toi. Tu veux une phrase encourageante? Vas-y. Allez, si tu fais bien ta chronique... Non, mais vas-y. On coupe la radio. Voilà. Et ben, on fera un blanc. Non, si tu fais bien ta chronique. En échange, elle reçoit 350 euros. Ah, vas-y. Ça motive. C'est parti. Allez, vas-y. Ensuite, sur Disney+, il va y avoir le documentaire sur Stan Lee. Et je sais pas, ça a l'air super. Stan Lee, les chaussures. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est pour ceux qui me disaient bien. C'est le co-créateur de personnages légendaires comme Spider-Man, Fantastic Four, Iron Man, les X-Men, The Avengers, enfin des centaines de personnages. Non, mais même Kix a tous les DVD de Stan Lee. Oui, il aurait les. Mais non, celui qui fait du kung-fu. Ah, ah, mais c'est Bruce Lee. Ah, merde, putain. Non, mais j'étais pour dire Stanley, Laurel et Hardy. Stanley, non, non, non, non, j'étais sur le chinois qui fait. Non, okay. Mais non, Stanley, okay, tu vois pas c'est quoi le vieux monsieur qui a fait tout ça. Et alors, c'est ce que j'adore avec lui, c'est qu'à chaque fois dans ses films, il apparaît, mais genre comme un personnage secondaire, et je trouve ça génial. C'est pas le monsieur avec sa petite moustache blanche, les lunettes et tout. Ok, exactement. Sur son petit siège, ok. Voilà. Et niveau jeu vidéo, pour les fans de RPG, il y aura Eternal Kingdoms, donc c'est un jeu de rôle fantastique en monde ouvert qui permet une expérience immersive pendant des heures, etc. Et enfin, pour les adeptes de jeux multijoueurs et en ligne, il y aura Battlefront Warzone. C'est des affrontements épiques dans un univers futuriste. Voilà. Waouh. Et donc là, tu nous as fait le 360 degrés de toutes les sorties de partout. C'est ça. Jeux vidéo, plateforme et cinéma. Mais il y a quelque chose dont tu n'as pas encore parlé, c'est la grosse conférence Apple. Oui, c'est vrai. Oui, oui, mais j'en parle après. Exactement. Mais oui. Et t'as vu Tu fais des liens et tout, c'est parfait. Mais t'as vu ça. Waouh. Jadoul et son équipe dans la trappe. Rien à rajouter, Maëva? Oui, il y a la lumière, enfin, elle est venue hier soir. Enfin, hier dans la journée plutôt. Et il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités. Donc, elle a eu lieu sur Android et iOS. Mais arrête. Ouh là là. Et c'est tout? Oui, bah, YouTube va avoir de publicités plus longues. Toi là, toi tu veux. Parce que vous croyez une seule seconde que je suis prêt pour cette séquence? Bah, si c'est comme nous, donc. Bien sûr. Bon, bah voilà. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Et je rigole, évidemment qu'on est prêt. Le principe est simple, on récupère une interview du média Combini et on en fait une interview combinée car on garde que les réponses de l'intervenant et on en fait des questions qui sont censées être plus drôles. Voilà, et c'est le principe. Et pourquoi ça s'appelle le combiné? Parce que le moins drôle d'entre nous, à chaque tour, se prend un coup de... Combiné. Bonne réponse. Vu que vous êtes au taquet, oui, j'espère que vous allez me faire rire cette semaine, que je vais glousser. J'en demande peut-être beaucoup. Oui, voici la première réponse. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Kix, je te laisse faire une phrase drôle. Que penses-tu des nuggets de chez McDo? Que penses-tu des nuggets de chez McDo? C'est les meilleurs. Bah oui, en même temps. Il n'y a pas un fast-food qui arrive au-dessus de McDo. Voilà. Bon, c'est pas drôle, mais c'est la vérité. Quelque chose à dire, Maëva? Non. À part que c'est des... Non, c'est des conneries, mais c'est pas grave. Non, même toi, tu le penses que c'est. Non, mais, non, non. T'as dit, c'est des bons poussins. Oui, les poussins, c'est vrai que. Les oui. poussins, c'est oui, les nuggets, hein, il faut appelle ça des, faut qu'on appelle ça des poussins. Mais oui, oui, ils sont bons chez McDo, mais McDo, c'est pas le meilleur des fast-foods, faut arrêter. On se calme ici, hein. On parle pas comme ça parce que je rappelle que. Travaille au quick. Exactement, je travaille au quick et je peux dire que c'est une qualité supérieure. Tu peux venir, je bosse à toute heure. Je travaille au quick, je vends des burgers. Merci pour cet intermède musical, Maëva. Avec plaisir. N'hésite pas. À tout moment. D'ailleurs, toi, la première question. Alors, moi, je vais pas être drôle, je vais être adorable. C'est Jadoul et Kix. C'est les meilleurs. Oh, c'est elle a envie de revenir la saison prochaine. Ah ouais. On sent le mois de juin, hein. Le mois de juin, de partout dans ce milieu, il y a de la pommade. Ça dégouline de pommade. Ça me répugne, Maëva. Voilà, tiens, double dose. Mais. J'aurais jamais dû inclure Jadoul en fait là-dedans. Je rigolais. Non. Je rigolais. C'est pas mon délire. Je rigolais. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas dit qui c'était le monsieur. C'est Jean-Pascal Zadi. Il fait quoi dans la vie? Il est humoriste, réalisateur et acteur. Voilà. Il fait plein de choses bizarres. Oui, il fait des films bizarres, oui, notamment. Et que c'est drôle, mais c'est drôle gênant en fait, un peu. C'est ça, ouais. C'est un style d'humour un peu particulier, mais je pense que lui-même en fait, il est un petit peu. On avait fait un truc avant, mais on trouvait pas ça très marrant. Voilà. Merci. En tout cas, ça vend du rêve, hein, Jean-Pascal. C'est ça qui fait peur. Bah, j'ai l'impression. Un truc à dire? Ils sont tellement cons. Mais non, c'est mon équipe, enfin. C'est pas mon délire. Ok. Allez, c'est pas grave. Deuxième question, Kix. Je sais pas si t'as vu, j'ai des ventouses à la place des mains. Je comprends qu'il y a des gens qui rigolent. C'est chiant pour lancer des sons, d'ailleurs. Hein. Maëva, deuxième. Oui. Elle l'a pas? Mais non. Tu l'as pas? Bah non. Bah, et toi? Moi je ne joue pas, parce qu'on est alors, en retard. C'est ça le truc, ouais, c'est que tu joues quand ça t'arrange en fait. Tu joues quand t'as préparé, quand t'as pas préparé, tu dis « Ah oui, on est en retard et moi je m'occupe des sons. » Reste sur la pommade, c'était bien. On y va, troisième question, Kix. Les claquettes chaussettes? Ça démodera jamais. Ça n'a jamais été à la mode aussi, hein. Maëva, troisième. Les crocs? Ça démodera jamais. Mmh. Ben, Ouais, on est sur le même film. Je suis mitigé parce que c'est vraiment la même chose. Vous savez quoi, on va faire un entre-deux. Ouais. Pile entre vous deux, je lance. Voilà. De toute façon, j'en ai déjà eu plein, moi, donc. La mauvaise foi ici. Quelque chose à dire? Attends, je vais éteindre. Je suis connu, j'ai un César, les gens m'appellent, c'est normal. Je passe pas comme vous, vous, personne vous appelle. En plus, c'est mon père, c'est même pas un appel showbiz. Ok, mais on aura vraiment gavé jusqu'au bout. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Bienvenue dans quelques minutes, on va passer à notre séquence. Ok, okay boomer, bien vu. Yes. On va revenir sur cette énorme conférence d'Apple. Oui, et sur quelque chose en particulier. Loin d'être mal aimée, Maëva, maintenant qu'on retrouve, est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire? C'est bien dit ça. Pardon, qu'est-ce qu'elle a dit? Redis-le, Maëva. Je suis une girafe. Oh là là. Elle ramasse. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Comment se prénomme ta séquence, Maëva? Ok, boomer. Énorme séquence, étant donné qu'il y a eu un énorme événement également dans le monde de la tech. Oui, c'est la conférence Apple annuelle qui est là tous les ans. Bah oui, forcément, c'est annuel. Et à chaque fois, il y a plein de nouveautés. Mais cette année-ci, ils ont sorti un truc de fou dont tout le monde parle et qui est un petit peu super naturel. Enfin, soit un science-fiction, on se demande si c'est vraiment vrai. Mais oui, c'est vraiment vrai. Et mais non. Mais non. Si, c'est le casque Vision Pro. Donc c'est un dispositif qui va permettre d'avoir, enfin c'est comme un casque de réalité virtuelle, sauf que contrairement où on est fermé, où c'est juste des écrans fermés, ben là on aura comme des petites choses qui se mettront dans notre réalité. Des donc problèmes. Ça y est, c'est officiel, Apple débarque dans le game. Oui, oui, et c'est digne d'un épisode de Black Mirror. Exactement. On a tous la main ici. Donc, comme je disais, c'est des lunettes intelligentes qui ont un écran transparent qui permet d'ajouter des informations virtuelles au monde réel. Donc comme je disais, c'est pas comme un casque de réalité virtuelle comme vous voyez où on est totalement plongé dans un univers, enfin dans un environnement totalement fermé. Là, ça permet de superposer les éléments numériques à la vision du monde réel. Donc en fait, on peut voir ce qu'il y a autour de nous, mais dessus, il y aura un petit, enfin on verra un petit écran où là, en transparence, où il y aura le. Je résume. En gros, c'est comme si c'était la réalité, mais il y a des hologrammes comme ça, c'est et ça. C'est des fenêtres. C'était, bah, c'est ton appel, bah, tiens, t'as le FaceTime qui est posé sur ta table de la salle à manger. Exactement. Et bah, ça, on peut aller jusqu'à plus loin. Tu te balades dans la rue, tu passes devant un restaurant, tu regardes, et ben, bam, t'as les avis sur les restaurants qui sortent comme ça, à côté. Oh, donc tu pourrais te balader dans la rue avec ça? Ah oui, oui, oui. Ah oui, totalement. Ah, je suis impatient en disant des gens conduisent avec. Tu veux draguer quelqu'un, tu passes à côté, t'as son numéro de téléphone qui s'affiche, son nom et tout. Et de sa bite qui s'affiche. Ouais. Après, il y aura quand même des droits là-dessus. On peut pas non plus tout regarder chez les gens, mais bon, voilà. Ah, ça permet vraiment de faire des recherches telles quelles. Et, mais oui, on peut marcher avec dans la rue. Trop même bien. Pourquoi pas conduire. Après, je sais pas si ce sera légal, mais tu vois tout ce qu'il y a, tu vois ce qui t'entoure, t'as juste des petits éléments qui se mettent. Vous vous souvenez à l'époque, sur des chaînes un peu sombres tout au fond de la télé, quand il y avait une publicité et qui disait « Tu veux voir toutes les filles à poil avec ton téléphone? Télécharge maintenant l'application et avec ton appareil photo, tu pourras voir à travers les vêtements. » Non, vraiment, c'est pas une vanne. Je pense que c'est sur AB3 que ça passait ce genre de pub, mais alors c'était à l'époque où la qualité des appareils photo des Nokia 3310 était tellement pourrie que tu distinguais pas ton chien de ta mère en photo. Et ils te vendaient cette application qui a jamais marché, hein. Non, ça déshabillait comme, hein, comme personne, mais. Ouais. Je trouvais ça fou de vendre ça et qu'on soit tous là en mode, waouh, c'est la révolution et tu perdais juste ton fric. J'espère que ce sera pas pareil avec l'Apple Vision Pro. Bah écoute, ça a l'air prometteur. Après, c'est pas encore sorti. Ça sortira seulement aux États-Unis début 2024. Et à voir. Mais c'est vrai que ça promet. C'est vraiment comme un, ça va permettre aussi de regarder des films, par exemple. T'es dans le métro, t'es posé, tu vois autour de toi et t'as un espèce de petit écran flottant où tu regardes ton film et en même temps tu vois tout ce qui se passe autour de toi. Après, je me demande ce que ça va donner. Tous ces Américains avec tous des lunettes. Enfin, c'est quand même un gros objet sur le visage. Ils seront tous au ski. C'est ça, exactement. Alors, ce sera pas non plus donné, je pense pas que tout le monde l'aura, parce qu'on part quand même sur un prix de base de $3,499. Ah ouais. 3,499 $! Je sais pas si tu te rends compte du truc que c'est, forcément, ça va. Et en plus, bah, niveau concurrence, ils se lancent un peu les premiers, ils se sont mis en avant, donc à voir ce que ça va donner, comment ça va fonctionner, est-ce que c'est avec son téléphone, enfin, y a pas encore assez de, par exemple, le fait de que tu marches dans la rue, tu vois les informations du restaurant, bah, comment tu vas commander tout ça, c'est pas encore tout à fait clair. Oui, c'est pas encore développé aussi. C'est pas encore développé, donc voilà, à voir comment ça va agir, mais ça a l'air complètement fou. Et peut-être pas me l'acheter parce que j'ai pas 3 499 $ dans la poche. Non plus. Mais tester, j'aimerais trop voir. Mais je pense que le calcul va être vite fait. Par exemple, un étudiant qui emménage dans son cote, 3000, tu comptes, allez, on va dire 4 000 $. Voilà, pour le casque, il faut 4 000. Parce qu'il y a les accessoires, à mon avis, la membrane, le serre-tête à changer. Et une fois que t'as acheté ça, bah, t'as plus besoin de télé chez toi. Non. Donc tu retires le prix de ta télé. Tu retires aussi, je sais pas, le prix d'un ordinateur, puisque t'as ton casque. Oui. Ça lit les messages, tu peux faire des mails. Ouais, mais tu vas pas passer ta vie avec un casque quand même, enfin, je sais pas. Bah, qui sait? On sait pas. Et nous, on est peut-être des boomers, hein. Ma vieille carcasse est à la ramasse. Je me dis t'es mal barré, mais tout n'est pas foutu. Dès 20h, c'est la trappe sur Kayef. C'était tout, Maëva, je t'ai pas demandé. Non, oui, non, c'était tout, c'était tout. T'as vu? J'ai eu peur, hein. Je vais pas te couper. Dans quelques minutes, c'est l'heure de jouer avec Kix. Oui, dans le FaceTime. Trop. Ça va être du sport cette semaine? Ah oui. J'espère que vous êtes prêts. Non, bah écoute, on va quand même essayer. Hein. Juste avant ça, Singila. Et on revient juste après ça sur... Allô. Bah, il dira une connerie, moi. Kix, à toi l'odeur. Merci. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Vous allez jouer en 3 manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de 3 indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre, une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces 3 sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du FaceTime, à table FaceTime. C'est parti. On commence la première, cette première manche avec cette première personnalité. Et franchement, vous allez voir, c'est assez dur. Mais je sais que vous êtes intelligent et je sais que vous allez trouver. J'ai confiance en vous. Okay. Alors comment le magma remonte-t-il à la surface? Eh bien pour comprendre, jetons un œil sous les cendres, histoire de voir ce que le volcan a dans le ventre. C'est tordu, je vous le dis, c'est tordu. Ce son-là est tordu, oui, donc, faut pas se filer. Je suppose que aux c'est apparences. Pas Jamy. Non, c'est pas Jamy Gourmand. Voilà. Bon. Ah, t'avais le nom de famille, toi? Bah oui. Ah, il le connaît bien, il était faire une photo avec. Et il a. Si, t'as même ah, vu oui, son j'ai fait une photo avec ça, lui. Bah, on l'avait reçu, c'est pour ça. Ah, ok. Mais. T'avais quel âge? Bah, c'était il y a. 2019. Ouais. Ah oui, donc t'étais pas un enfant. T'étais... Ok, ok. Bah, ça va, on a tous regardé ça à l'école, hein. T'avais de la moustache à l'époque? J'en ai jamais eu. Non, je rigole parce que moi, j'en ai pas non plus. Ok, bon bah pas d'idée. On est ravis, Thérèse. Le deuxième. Le deuxième indice, ok. Ah, attends. C'est un rapport. C'est pas sorcier. Ça paie. Non. Ok. Je t'arrête directement. Heureusement que j'ai pas besoin. Bah, avant, il a parlé de magma ou de volcan. Là, ça paie. Essayez volcan de... habillé. Dites-vous que le premier son et le deuxième son peut avoir un lien, mais c'est très très tordu. The Dressed Volcano, c'est une meuf qui fait des striptease. Okay. Non, pas du tout. Okay, bon, premier son, on parlait de quoi? De bah, des volcan, volcans, du magma. De magma. Du feu. Retenez magma, ok, c'est très bien. Soprano! Pardon, attends, j'ai pas buzzé. Je dirais soprano. Voilà, c'est une mauvaise réponse, merci. Oh merde. Non, c'était pas ça. Bien essayé, mais c'était pas ça. Troisième indice ou pas? Bah on oui. Pas une idée, bah non, non. Ok. Longtemps après sa mort, il inspirera Martin Luther King ou Nelson Mandela. C'est il très reste très un tordu. Modèle dans le monde entier. Très très tordu, oui. J'ai parlé quand il parlait. Oui. Excusez-moi, monsieur. L'extrait fait 3 secondes, il parle dessus. J'ai oublié qu'il parlait aussi. Pas d'idée? Je l'ai pas, non. Mais Eva? Non, je réfléchis, mais Bon, quel est le vrai nom de Maître Gims? je sais plus. Non, j'ai... Attends, mais non, mais je confonds, c'est... là. J'ai... Non, mais je vous dis, c'est vraiment... J'ai celui de Jul en tête, ça n'a rien à voir, et j'ai celui de Joey Star, mais j'ai pas du tout... On a failli faire un top 5 des vrais prénoms de rappeurs, mais on l'a pas fait. Mais... Bon, il y a Juna, c'est... Ta-ta-ta, Juna. Non, pas d'idée, ok. Martin. Non, c'est pas ça. Bon, je vais vous le dire. Je crois qu'on n'a pas la réponse. Pas la réponse. Bah, c'est, en gros, c'était magma. C'est magma. Gandhi. Mahatma Gandhi. What? Ah, c'est, oui. C'est qui? Mais Gandhi. C'est qui? Ok. C'est Gandhi. Mais okay. Ah, mais quand on a été en Espagne, on a visité ces trucs à Gandhi, non? Le vieux monsieur en... Il fait pas d'œuvre, hein. Je te rassure, il fait pas d'œuvre. Ah, je confonds avec Gaudi. Rien non, à voir. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est la culture. C'est un homme humanitaire, un peu comme, comme on le disait là avec Luther King et tout ça. C'est une personne qui a. Oui. That's life. Wow. Bien, hein. Tu nous as c'est surestimé ça. De fou déjà. Oui, bah là, oui, je. C'était un petit peu. Une long, chose hein. À dire, moi. Énorme. Allez, on continue voilà. Tout de suite. Je vais vous apprendre à réaliser une confiserie au bon goût de l'enfance. Du mauve à la violette. Bon, est-ce que vous avez déjà une petite idée pour celui-ci? Toujours pas. Violette. J'ai une. Non. T'as une idée? Si tu veux, il y a le buzzer. Merci pour l'info. Oui, non, non, oui. Non. Maëva, elle bosse sur le buzzer, je sais pas ce qu'elle fait. Mais non, je buzz pas, c'est juste que je me tiens prête parce que je suis loin. Ah, ok, deuxième indice. Violette. C'est très très simple. Et vraiment, c'est très très simple. Bon. Il est beaucoup plus simple que le premier. Elle buzz pas, Maëva? Non. Bon, bah, troisième indice. Oui. Je propose Anne-Marie. C'est con parce que c'était l'autre. Putain! Mais c'est pas vrai! C'est très très con, ouais. Ah, ça me saoule. Oh là, je suis colère. Bon, qui est l'autre? Du coup, Anne-Marie et. On parle de quoi? J'ai un petit bonus comme indice. Ça va peut-être aider Maëva. Bienvenue sur ma chaîne, ma cuisine italienne. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des chamallows. Du coup, chamallows? Non? Toujours rien? Mais oh, moi j'ai soufflé. J'ai soufflé à Maëva. Sia. Sia. Okay. Ah, tu l'as pas mis? Pas... Alors non. Ah mince. Ah si, mais je l'ai du coup. Bah oui. Tu sais c'est qui? Avec le dernier indice, j'ai trouvé. Je te laisse quand même le dire. Maëva, c'est mort. Mais on parle de quoi? Anne-Marie, c'est qui? Une chanteuse. Ah. Mais... Vas-y, non, je trouverai, je suis perdu. Anne-Marie, celle qui chantait. Non, je déconne. Non, Anne-Marie, c'est avec le duo Marshmallow. C'est ça. Du coup, c'était Marshmallow. Il y a eu Guimauve, il y a eu Chamallow. Non, il y a eu Guimauve. Attends, c'était quoi l'autre? Je sais même plus. Violette. Non, pas Violette. Moi qui me disais qu'on était un peu à l'avance, coup, cette séquence s'éternise. C'est quoi la okay. réponse? Marshmallow. Ah ok, wow. Ok, bon bah. Je sais pas c'est quoi, d'accord. Bon, pour le moment, il y a zéro point partout, c'est tout ça. Va okay. se jouer maintenant. C'est magnifique, okay. j'étais un peu trop compliqué alors. Oui, c'est bien le premier son de cette troisième personnalité. Est-ce que ça vous donne une idée? Toujours pas. Le rire. Non, vas-y, deuxième. Juste pour le fun, je le remets. Voilà. J'entends Jean-Marie Le Pen en fond. Ouais. Non, non, non, non, pas possible. Ok, d'accord. 23 000 viewers, le record, peut-être le record de la France, peut-être le world record, le world record, le world record. Oh là, c'est horrible. Le world record. Je le sens très teubé, hein. C'est le record de France. On va pas faire sans en trouver un seul. Le record de France, c'est vous, c'est non, vous le record idée. Français. Bon. On fait quoi alors? Bah, troisième indice! Allez! Pas d'idée, Marc! On a plus le temps! Pour inox, c'est top pour griller. Griller les poissons, griller les viandes, franchement, griller. Ne me regarde pas en me pointant du nez, en faisant, vous allez, vous tu trouves. Pas. Vous n'avez pas été attentif, écoutez. La poêle en inox, c'est top pour griller. Griller les poissons, griller les viandes, franchement, griller. La poêle en inox. Inox. Je peux pas le dire plus longtemps. Inox. Je buzz et j'attends. D'accord, ok. Bah, c'est... Oui. Inox. Inox qui? Ah, fallait une suite. Ok, bon, bah, on l'a pas. On voit que personne n'est sur YouTube. Donc là, Inox, attends, me dis pas qu'on a fait trois manches. Sans connaître personne. On l'a pas trouvé. Si. Inox et c'était qui la réponse? Inox tag. Inox tag. Ou si je peux te dire des mots au hasard. Il y a Michou, le youtubeur Michou, et il y a Inox tag, l'un des plus gros youtubeurs. Oui, mais il a pas fait Danse avec les stars, lui, donc je le connais pas. Ah, ça explique tout. Bon, on fait quoi alors? Il y a pas de points. Est-ce qu'on fait quand même une dernière ou c'est trop tard? Bah là, il est tard, mais vas-y, fais un bonus. Fais une manche bonus, qu'on a au moins un point pour sauver la mise. J'espère que ça va vous aider. Passement de jambes, crochet à gauche, à droite, accélération, virgule, petit pont. Oui. Bah, Kylian Mbappé. Tu dis Kylian Mbappé, c'est la bonne réponse. Enfin. Un point. Ouais, j'en pourrais bravo plus, les gars. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Mesdames et messieurs, voici la deuxième heure de l'émission. Oh, c'est beau. Refais-le. Ça, j'ai bien aimé. Refais-le. Mesdames et messieurs, voici la deuxième heure de l'émission. Ah, c'était bien. Dès 20h, c'est la trappe. Dès 20h, c'est Jadoul sur KFM. Présent, bien sûr, avec toutes vos surprises habituelles. Radio Falminoul fera de nouveau la fête avec nous dans 3 minutes. Vous allez aussi découvrir le Fallait nous le dire plus tôt. Maëva, tu vas nous faire jouer à quel sujet? Les pièces, alors j'ai arrêté la partie utile hein, parce que j'ai fait le tour des trucs, ouais. Mais j'aime bien vous faire découvrir des trucs de pourquoi c'est devenu comme ça. Donc les pièces, pourquoi il y a des rainures autour? Pourquoi c'est pas juste? Pourquoi il y a une rainure autour de la pièce? Oui. Pourquoi c'est pas lisse? Ah, bonne question. Très bonne question. Voilà. Moi, je dirais que c'est parce que ils ont fait ça dans un moule à cupcake et qu'ils ont pas su le pour teinter plus facilement les tickets. Je ne pense pas, non. Ah oui, c'est le lobby du loto, ouais. Et du jeu d'argent qui avait voulu un truc qui gratte. Parce que le lobby des pare-brise voulait faire des pièces carrées, ils ont pas voulu. Non. Ok. Bon bah on trouvera d'ici quelques minutes. Avant ça, je vous propose qu'on fasse les infos qui. Tout à fait. Elles sont où? Où sont les infos? Je les ai. Mais bien sûr que je les ai. Je les ai, pas, hein, mais... je les ai pas lus, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Ah bah nous aussi. Ah bah. Vous allez voir, j'espère que c'est rigolo. Là, on a encore des surprises cette semaine. Seul moment où on re-signe les contrats ou pas, hein, donc. Si les gens. Mais ça, il faut préciser avant. Ah oui, mais quand tu es auteur pour l'émission, hein. Et c'est la Champions League ici, hein. Faut que ça suive. On va parler en première info de deux vacanciers qui rentraient de Majorque. Ils ont été confrontés à une demande de paiement de la part de leur compagnie aérienne Ryanair pour transporter des quoi? Des Enseimada? Enseimada? Ouais. C'est une pâtisserie traditionnelle. Voilà, du coin. À bord de leur vol, les voyageurs ont finalement dû abandonner leur gâteau pour pouvoir embarquer gratuitement. Cette situation a provoqué la colère des autorités locales et de l'association des pâtissiers qui ont prévu une réunion pour défendre les produits locaux et éviter toute discrimination. J'ai vraiment rien compris jusqu'ici. Hein. C'est vrai ? J'ai lu un truc sans comprendre là. Okay. L'association des pâtissiers a souligné que d'autres compagnies aériennes autorisaient les passagers à transporter des enseimadas. Et que quoi. D'autres boutiques duty free de l'aéroport permettaient également cette affaire met en évidence un problème plus large concernant les frais excessifs facturés par les compagnies aériennes pour les bagages à main. Voilà, en gros, si tu veux, un petit résumé. Il y a des personnes qui ont voulu rentrer dans un avion avec des confiseries, enfin des spécialités de là où ils étaient. Voilà, et ils n'ont pas pu parce qu'en fait, ça a été considéré comme un bagage en plus. Donc, ah, parce que c'est gros. Voilà. Ah, mais faut le dire, oui, si, d'accord. S'ils voulaient rentrer dans l'avion, il fallait payer quelque chose en plus, comme si c'était un bagage. D'accord. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils les ont laissés sur place. Et donc, ça a énervé tout le monde de savoir qu'ils ont dû laisser des gâteaux, alors qu'en soi, c'est rien. Ok. Voilà. Bah, cette info. Déjà. Premièrement. Premièrement. Deuxièmement. Mesdames, messieurs, bienvenue à bord de la Trap Airlines. Je suis votre commandant de bord, Jadoul. Hop, hop, hop. Vous, madame Maëva, monsieur Kix, il est interdit de rentrer avec des gaufres dans cet avion. Ou alors, il faut payer. Hein. On ne discute pas. Hein. Allez, votre... Ça dégage. Hein. En espérant que mes collègues gardent une petite part. Hein, avant de les foutre à la poubelle. Merci beaucoup. C'était le commandant de bord. Merci beaucoup. Ouais, c'est compliqué. Très compliqué. Je me souviens qu'il y avait une boîte de sardines qui était interdite sur certaines lignes aussi parce qu'elle puait trop et ça pouvait faire le crash de l'avion. Et donc ils avaient fait des demi-tours d'avion et tout pour retirer ces boîtes de puanteur pour éviter que ça ne soit percé avec, vous savez, la pression et tout. Ouais. Les boîtes de sardines, ça peut exploser et quand c'est du poisson fermenté, dis pas l'odeur. Quelle horreur. Ouais, deuxième info, dans la nuit de dimanche à lundi, un jeune garçon âgé de 15 ans a été surpris en train de conduire à une vitesse de 168 km/h sur l'autoroute A1 en Suisse. Il avait emprunté la voiture de ses parents sans autorisation pour aller faire un tour avec ses amis. Les autorités policières du canton ont signalé l'incident au ministère public. Lors des interrogatoires qui ont suivi, il a été révélé que les autres mineurs présents dans le véhicule avaient également pris le volant. Ils se le sont passés entre eux, hein. Quitte à voler la bagnole des parents, autant faire tourner. Une chose qui est sûre, c'est que l'espoir de voir un jour leur permis de conduire... C'est mort, les gars, hein. N'essayez pas. Troisième info, aux États-Unis, dans l'État de New York, une famille... vivait de cygnes assez célèbres dans les environs. Faille, une maman cygne. Ah, une famille de cygnes ? Oui, une famille de cygnes. J'avais pas compris. C'est ça. Et en fait, il y a un cygne et sa famille qui vivaient aux États-Unis. Tu vérifieras que la personne qui a écrit ces infos n'a pas fait une installation. Hein. C'est ça. Allez, donc une famille de cygnes. Hein, la Faille, qui s'appelle la maman cygne, était la mascotte du coin. Malheureusement, ce bel oiseau a été confondu avec un canard. Non ! Par un groupe de trois adolescents. Non. Pas très malin, qui l'ont soulevé ainsi que ses quatre bébés cygnes. Ils l'ont enlevé parce que soulever ça peut être très sale. Hein. Soulever un canard, il faut le faire. Hein. Mais non, c'était pas un canard, c'était un cygne. Oui, un cygne, tu suis ça. Il y a rien qui se suit. On va quand même aller au bout. Hein. Les signaux ont été retrouvés. On se. Non. Ouais, c'est que je c'est les bébés cygnes, allez. Non, allez. Non, le. Sérieux. Les non, signes. C'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Hein. C'est les signaux, mais aussi parfois appelés signés ou signons. Ah. Je te jure, c'est sur Internet. Les signaux. Okay. Bon. Allez, ça passe pour cette fois. Les signaux ont été retrouvés sains et saufs, mais pas la maman. Comme ils l'ont prise pour un canard, ils l'ont tout simplement mangée. Mais comment on peut confondre un signe un canard? Ouais, bah bon, ils étaient jeunes. Il y aura les âges après. Les trois garçons expliquaient ne pas avoir su qu'il s'agissait d'un animal sauvage. Ils ont expliqué être partis chasser, ils ont capturé l'oiseau, puis ils ont eu l'idée de domestiquer les signaux. Les trois jeunes de 16, 17 et 18 ans ont été arrêtés, seront jugés mi-juin. Le village est en deuil. Heureusement, un biologiste va s'occuper des bébés oiseaux. J'ai 4 semaines seulement. Encore une fois, cette info. Et est-ce qu'on peut passer cette info à la poêle? Non, mais parce que quitte à les bouffer. Oui, ça va. On a compris, ouais. Jadoul, dès 20h sur KIF. Tu me rappelleras de ne plus lâcher ma vigilance par rapport aux infos qui passent à la trappe. Ça marche. Autant là, je lisais tout avant l'émission parce que j'avais plus confiance. J'ai arrêté durant 2 semaines. Je vais reprendre les relectures de texte. Ok. La blague du mercredi 7 juin vous est offerte par Kix. J'ai pas de blague. Ah oui, clic clic pop, ok. Oui, il fallait que je clique sur la clim. Okay. Version clim. Clic clic pop en clim. Mais non. Clim clim pop. Oh, ah oui, ok. Qu'il est con. Il a une vanne. Clim clim. Trois mots. Mais je l'avais pas faite celle-là. Mais si t'as fait clim clim pop. Mais non, j'ai pas dit clim clim. Oh, mais c'est cela bon, dit, allez, c'est bien. La trappe tous les mercredis de 20h avec Jadoul sur KIF. Rien ne va plus. Il est incroyable, il est toujours drôle sans le vouloir. Mais oui, bah, surtout, je te jure, j'ai pas dit ça. J'ai dit clic. Enfin, bref, on s'en fout, on va pas recommencer. Mais... Ce qui est c'était... marrant avec Kik, c'est que souvent on rigole avec lui, mais encore plus souvent on rigole avec lui. Ça va, je le prends bien. Mais on t'aime. C'est gentil. Bon. Oui. Jadoul, dis à Kik ce que tu l'aimes. Allez, viens. Oh. Voilà. Quelle horreur. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on lui donne jamais d'amour? Il en veut pas. Ouais, c'est vrai. Point. L'histoire est réglée. Bienvenue dans quelques minutes. On va voir le fallait nous lire plutôt. Pourquoi est-ce que les muffins débordent des boîtes, c'est ça? Non. Pourquoi il y a des rainures sur les pièces de monnaie? Pourquoi est-ce qu'il y a des petites dents comme ça sur le côté des pièces? Exactement. Parce que les distributeurs Coca-Cola les reconnaissent comme ça et on peut pas insérer des jetons de fête foraine. Non. C'est pas pour les identifier alors? Peut-être. Ouais, parce qu'elles les ont pas toutes. Hein. Mais en fait, il y a plusieurs. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une de base, il y a longtemps que c'est plus le cas. N'en dites pas plus. Non, mais si, on je va te pas cramer. Si. Et maintenant, il y a une raison actuelle. Voilà. Comme ça, tu sais. Il y a toujours une utilité maintenant. Plus ou moins, oui. Hmm. Non, si, je t'assure. Ouais. On verra. En attendant, tout ça, c'est des sujets que vous n'aurez jamais chez Radio Falmignol. Radio Falmignol. C'est une radio qui est dans le besoin. C'est pour ça qu'on leur prête notre émetteur durant 5 minutes chaque mercredi. C'est à vous les gars. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falmignoul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils fêtent un anniversaire. Aujourd'hui, Guy, c'est un grand jour. Ah bon? Et pourquoi donc? Tu as commandé ton cercueil, hein? Non, il n'est toujours pas de stock. C'est un grand jour parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un fidèle auditeur. Nous allons le fêter ici en studio. Oui? Oui, ça veut dire quoi, Guy ? J'attends que tu me dises pourquoi c'est un grand jour. Tu es sûr qu'il n'y a pas une fenêtre ouverte dans ton grenier parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vent là-haut. Mais enfin, dis que je suis débile aussi. C'est toi qui n'es pas clair de tes informations, mon vieux. Anniversaire, auditeur, fête, ici même. Il y aura des confettis. Il y aura des confettis, oui. Il y aura des lumières de couleur et des machines qui font de la fumée. Il y aura tout, mon cher. Ce jour doit être explosif. Sans oublier que nous allons faire le tout en direct sur l'antenne. Oh, je peux m'occuper de l'installation et de la déco. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Car il faut aller très vite maintenant. Notre invité arrive dans quelques minutes. On n'a plus le temps de discuter, Guy. Compte sur moi. Je suis rapide comme ma digestion après deux boîtes de cassoulet. Moi, je suis prêt de mon côté. Tu t'en sors, mon Guy. Oui, oui, l'installation est presque terminée. Tu fais quand même beaucoup de bruit. Je sais pas si c'est normal. J'arrive, me voilà. Oh, bah très bien, je prends l'antenne. Hein. Nous sommes en direct. Bonjour, chers auditeurs de Radio Falminioul. Aujourd'hui, Guy et moi-même, nous allons démarrer cette émission d'une façon un peu particulière. Un auditeur de la station fête son anniversaire aujourd'hui. Bien sûr, nous avons préparé une petite surprise pour lui. Et il sera avec nous en studio d'ici quelques minutes. Et là, parfait, le voilà. J'y vais. Quel timing. Bonjour, bienvenue chez Radio Falminioul, je m'appelle Guy. Vous pouvez vous diriger vers le studio, c'est ici à votre droite. Bonjour monsieur René, enchanté. Nous savons que vous êtes un fidèle auditeur de la station. C'est pour cette raison que nous avons décidé de vous préparer quelque chose avec Guy. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux... Guy, c'est le signal pour lancer la surprise. Regardez qui sort du gâteau, c'est une jolie nana, mais qu'est-ce que c'est fabuleux. Guy, on voit le final. En avant la musique et fou. Qu'est-ce que tu fous? Oupla! J'ai bricolé un lanceur de feu d'artifice automatique! Éteins-moi cette satanée machine! Tu vas finir par blesser quelqu'un! Ah, je ne peux pas! J'ai mis tout ce qu'on avait en stock! On en a pour 8 heures! Mais qu'il est con! Les feux d'artifice, c'était pour le nouvel an des 10 prochaines années! Pas pour un anniversaire! Et pas en intérieur! En tout cas, si là ce n'est pas un anniversaire explosif, René, alors je n'y comprends plus rien! Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Ça ne s'arrête plus jamais, ces feux d'artifice. Mais Eva, c'était comment? C'est marrant. Nickel, les gars. Mais merci beaucoup. Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. C'est un enregistrement, j'ai pas dit ça. Mais Eva, t'aimes bien Radio Falminioul? C'est marrant. Nickel, les gars. Merci. Merci, voici son rôle-ci. C'est marrant. Nickel, les gars. Merci beaucoup. Bah, vraiment, ça t'a marqué cette séquence, Maëva. Hein. Non, c'est pas moi qui dis. Enfin, si, c'est moi, mais c'est pas moi. Elle s'en mêle les pinceaux. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Qu'est-ce qu'on fait? Le fallait nous le dire plus tôt, c'est le grand moment de Maëva. C'est le moment où elle nous prouve qu'on est des gros couillons, qui n'avons rien compris à la vie. Mais non. C'est ça. Mais non. Bon, elle a pas besoin de ça, hein, franchement. Oui, c'est déjà de 1. Non, on doit essayer de deviner pourquoi est-ce que les rétroviseurs... Non, mais, je sais non, plus. Les pieds. Mais en fait, tu fais à chaque fois celle de l'année, enfin de l'année, de la semaine d'avant. Tu veux bien écouter. Bah c'est bien, il faut aller voir du coup au podcast. Ouais, c'est ça. Vrai, ouais. C'est vrai. Bon, alors c'était quoi cette semaine? Les pièces. Pourquoi il y a des rainures sur le côté? Pourquoi c'est pas lisse? Et pourquoi est-ce que Bernadette Chirac n'est plus aux pièces jaunes? Ah. Ça, c'est une bonne question aussi. Bon, on répond à laquelle en premier? Peut-être Bernadette Chirac. D'accord. Alors, moi je dirais que si elle n'est plus aux pièces jaunes, C'est parce qu'elle est décédée. J'avais la même, mais je t'avoue que j'étais pas trop sûr. Est-ce que Bernadette Chirac est encore en vie? Telle est la question. Et là, tout le monde en train de taper. Et là, c'est le drame. Là, je vois tout le monde qui est sur ses téléphones et tout. Eh bien, elle est toujours là. Mais non. Et, si, elle a 90 ans. Ok, d'accord, bon bah... Enfin, ah, oui, hein, bien. Je vérifie, hein, mais... Bravo, madame. Un bel âge. Oui, elle est toujours en vie, elle s'accroche. Elle compte ses pièces. Elle s'accroche. Bon, allez, non, on va revenir aux pièces. Pourquoi est-ce qu'elles ont des dents? Oui, oui. Et qu'elles sont crantées comme ça. C'est ça. Alors que Bernadette les a peut-être plus, les dents. C'est vrai, ça. Parce que... Ça s'appelle des striures, exactement, ces petites rainures, ces dents. Parce que le moule était fait comme ça. Mais pourquoi on a fait un moule comme ça? Ah, parce que ça coûtait moins cher. Bah, non. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait une conversation, j'en pourrais. Je sais pas. Bon, je vous la donne. Oui, vas-y. Donc déjà... Moi, je dirais que les pièces, elles sont dentées parce que... Mon bon vieil ami Michael, il a perdu la vue. Alors comme ça, il sait distinguer les pièces de 2 euros des pièces d'un euro. Ah. On n'en est pas loin, ma fille. Pas loin. Alors je dirais qu'elles sont aussi dentées parce que grâce à ça, ça abîme pas les chicots quand on les compte. Bon, on veut la définition. C'est ça, mais comme je t'avais dit tout à l'heure, il y a deux raisons. La principale, c'est une raison historique. En fait, avant, les pièces, elles étaient en métal précieux comme l'or ou l'argent. Et donc, en fait, les gens les limaient pour récupérer la poudre de ce métal précieux et avoir de l'argent. Mais alors, les pièces, elles diminuaient. Et donc, du coup, il n'y avait plus de pièces. Oh ! Donc ils piquaient des morceaux pour au final revendre. C'est ça. Oh, on dirait tous ces gens. Écoutez-moi tous les vendeurs sur Bruxelles. Tous ces gens qui réparent les iPhones pour pas très cher et qui gardent les pièces officielles, qui mettent des pièces pourries de chez Wish quand ils rendent l'iPhone. T'as eu ça toi une fois? Oui. C'est ça. J'avais une partie de l'écran qui était d'une autre couleur que l'arrière et il y avait des pièces qui étaient différentes. Voilà. Et ils devaient juste changer l'écran. C'est ça de base et en fait on m'a tout changé complètement. Voilà. Ils ont récupéré les vraies pièces officielles qui peuvent revendre très cher. On aurait dit les téléphones, enfin les iPhones que tu as à la semaine, quoi. Ah oui, c'est devenu un jouet. Et tu l'as répété combien de temps après l'avoir réparé? Oh bah le jour même, je crois. Voilà. Ou le soir. Oui, le soir. Génial. Je pense. Ça valait la peine. Donc c'était parce que c'était composé de métaux précieux, or et argent. Et je te dis, les gens limaient pour revendre au poids, sauf que les pièces, elles rétrécissaient, elles avaient des formes bizarres, etc. Donc on a décidé de mettre les rainures, et avec les rainures, on pouvait plus limer parce que ça se voyait qu'on avait limé, et donc ta pièce n'était plus acceptée. Comme les billets déchirés, au final. Oui, les billets déchirés sont encore acceptés. Ouais, ça dépend. Ah ouais, s'ils sont coupés complètement en deux, je crois que ça passe plus. Mais si c'est juste déchiré, en théorie, ça passe. Après, voilà, je parle sans... Mais il faut pas qu'il manque un bout, par exemple, du côté où il y a le... Et donc, du coup, ça, c'est la raison historique et ça a été conservé pour cette raison historique. Mais en effet, chaque pièce a ses rainures propres. Et donc, en effet, ça a permis aux personnes malvoyantes et aveugles de pouvoir les distinguer. Et aussi aux machines, comme tu disais, de coca, etc. De voir ça... Ah oui, il n'y a pas que ça, il y a aussi le poids et la taille. Mais voilà, les rainures permettent aussi cette différenciation entre les pièces. Parce que dites-vous, l'appareil dans le parking automatique, quand vous mettez une pièce, il reconnaît le type de pièce. Donc, à mon avis, tous ces critères jouent aussi. Ouais, bah, il y a la taille aussi. Ça, j'ai été voir en fait, parce que j'y avais pas pensé quand j'ai cherché ça. Et quand tu me l'as dit, j'ai été faire une recherche. Et c'est principalement le poids qui permet à ces machines de. Mais la rainure est aussi prise dans les choses qui permettent d'identifier la pièce. Donc c'est pas totalement stupide ce que t'as dit. J'ai toute une machine à pièces. J'aurais bien aimé se croquer un distributeur de coca, tu sais, en mettant des jetons de foire. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. On avait essayé, ouais. Ça n'a pas marché. Voilà. Bon, bah voilà. Merci Maëva. Avec plaisir. Donc, s'il y a des rayures, c'est parce que les pièces aiment les zèbres. Je sais plus. C'est la trappe sur KIF. C'est très bien cette séquence, mais on s'en souvient jamais après. Bah. Si en un mot on devait résumer, c'est parce que on volait le métaux qui était. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Ouais, j'ai retenu. Voici Kalash. Merci madame. Elle crie, on dirait qu'elle a mal. Non, en fait c'est Maëva parce que je viens de lui écraser son pied entre la chaise et la table. Et c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Mais oui, et je lui dis le truc qui bloque, c'est mon pied. Oh bah écoute, ça traînait, hein, mince. Hein. Merci Kix. Avec plaisir. Mais ça va les gars, je vous laisse vous entretuer. C'est hein. Pas toi qui es assis à côté de lui à chaque fois. Mais ça a l'air douloureux Maëva. Et tu sais quoi, cet été on refait un peu le studio, tu seras un peu plus loin de lui. Voilà, comme ça tu as l'info. Non, en vrai, j'aime bien. Ouais, sauf quand il m'écrase le pied. Avec tout tes bleus et tout, après on va se poser des questions. Hein, et franchement, c'est pas cool. Une émission brassée avec... Un truc à dire. Je préfère la personne qui arrive, j'allais dire. Oui, merci. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Bienvenue. Ça s'appelle la trappe. On est très en forme aujourd'hui, hein. Vraiment, ça part dans tous les sens. Et on est pas loin que ça se termine, car on va se connecter à sa terrasse. Hein. Oui, évidemment, c'est un temps à être en terrasse. Et justement, ah bah, je vois que le micro est ouvert. C'est bientôt les vacances, il fait beau, même si un petit voile de nuages là sur Bruxelles. On peut profiter de ce bon temps et on peut profiter de notre Jean-Michel. Il est rempli d'humour, il est rempli d'aventures, mais surtout rempli de bière. Est-ce qu'il est avec nous? Bonsoir Jean-Michel, j'entends votre micro qui est ouvert, j'entends l'ambiance de la terrasse. Allô, Jean-Michel? Allô? Ah non, c'est de la bière, Adoul, c'est de la bière, mais oui, bonsoir. Allô à bière, ok, d'accord. Merci, joli. Je disais justement que vous étiez rempli d'humour, afin que vous ne nous dévoiliez pas toutes vos qualités maintenant. Dites-moi si vous êtes toujours en terrasse, je l'entends visiblement. Oh, bien évidemment, hein, il fait bon vivre ici. Allez, alors on va trinquer à distance, allez, trinquer avec quelqu'un à côté de vous, ça va faire plaisir. Santé! Merci. Faites attention à ne pas attraper un coup de soleil quand même. Bon, là, même si le soleil est en train de se coucher, il vaut mieux se mettre un peu de crème avant de rougir, parce que vous êtes déjà rouge alors. Oh, tu sais, je suis déjà rouge, hein, mais pas pour la même raison. Ah oui, votre groin, on va pas en parler. Vous ne vous ennuyez pas là sur votre terrasse tous les jours, tous les soirs? Oh là là, pas d'un poil, là. Je me marre en lisant les dernières nouvelles dans le journal. Hein, le journal papier que j'en ai devant moi. Je vous vois pas sur votre smartphone. Oui, écoute-moi ça, mon Jadoul, écoute, hein. Un hibou. Un hibou. Un quoi? C'est quoi comme animal, un hibou? Un hibou. Un hibou. Oui, parce que j'ai un peu de mal. Un hibou grand-duc terrorise un quartier de Verviers. Oui, je vous entends, ne criez pas. Ah pardon, excusez-moi. Mon chien a été attaqué déjà deux fois. Un zibou qui fait la loi, c'est drôle ça quand même, hein. Ah oui, Jadoul, je ne t'ai pas dit. J'ai aussi écrit un article dans le journal. C'est super, déjà je comprenais rien jusqu'ici, et vous racontez quoi dans votre article? Disons que c'était plutôt une petite annonce, hein. Alors j'invite les personnes qui s'ennuient à me rejoindre. Voilà. Ah bah, vous pouvez nous lire l'annonce, histoire que nous puissions aussi la découvrir. Moi je le fais. Ah, vous allez le faire en chanson? Voilà, oh, tout compris. Bon, allez-y, on vous écoute, Jean-Michel. N'hésitez pas à chanter un moment, hein. Ouais, c'est maintenant, Jean-Michel. Tu t'ennuies tout seul chez toi? Alors rejoins-moi au comptoir. Bienvenue chez Jean-Mi. Tu veux faire une soirée avec des poulettes sur les tables, bienvenue chez Jean-Mi. Oui, c'est moi Jean-Michel, yeah. Bienvenue chez Jean-Mi. Bienvenue chez Jean-Mi. Bienvenue chez Jean-Mi. Bienvenue chez Jean-Mi. Tu vois, ici on est pompette, mais au moins on sait faire la fête. Bienvenue chez Jean-Mi. Merci beaucoup, merci vraiment. Jean-Michel, vous nous avez offert là un truc formidable. Ça t'as bien, hein? Ah oui, il y a des gens qui vous ont rejoint pour danser un peu? Pour danser, oui, quelques-uns, oui. Bon, surtout la petite Josiane, là, ouais, elle est pas mal. Non, Mandic, je ne disais rien de mal. Ah, c'est bien, vous attirez des gens positifs. Ah oui, ah ça oui. Ils sont très gentils, hein. Mais alors, bon, j'ai surtout une personne qui était super intéressée par mes annonces. C'est la police. Bon, je jure, à mon avis, hein, ils doivent aimer mes soirées. Ils ont déchiré tout, mais vraiment tout, hein. Et ils ont tout mis dans un sac. On se rebond pour faire passer le message, hein. Qu'ils sont braves, oui, ceux-là. Oui, on va dire ça, Jean-Michel. Allez, passez une belle soirée, hein. Ah, merci bien, c'est gentil, hein. Et j'espère que votre annonce fonctionnera. Oui, grosse baisse, grosse baisse. Et avec Modé. Bondé Cathlon. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Modération, bien sûr. Voici Shakira. Tu prends quand mon cul. On l'écoute maintenant. Mais j'ai rien dit, c'est elle. Oh, ça va. Claude arrive dans un instant, elle est certifiée aussi, bienvenue, bonsoir. Bienvenue. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ça va, oui. Alors, un problème, je peux pas. Oui, c'est l'heure de la piqûre, je pense, non? Ah oui, c'est ça, ça doit être une toux grasse ou quelque chose du style. Hein. Vous trouvez que je n'imite pas bien Shakira? Si, si. Bof. Bon, étant donné que c'est toi qui tiens l'émission, nous n'allons pas dire non, mais... Il est beaucoup en mode pommade, qui se met pour être franc, bof. Tu veux que je te refasse Shakira pour vraiment juger? Vas-y. De bon niveau? Attends, je me concentre un peu. Hein. Ah, là c'est beaucoup mieux. Merci. Je sais. Et attention, si je vais un peu plus dans les graves, je peux toujours imiter Shakira et... Attends, je me relance, hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Attention, 3, 4. Cause this is Africa. Ah oui, là on y croit. This time for Africa. Tu tiens bien Shakira là. Mais ouais, je trouve. Allez, une dernière, c'est cadeau. Elle chante pas là. Putain, mauvais extrait. Une soupe au poireau. Bon, laissez c'est tomber les extraits. Je pensais que tu faisais le duo avec Kix. Ah oui, on va dire ça. C'était Kix. Chaketon là. Bon, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, passer à notre grande séquence? Alors, le certifié. Il est temps que je vous fasse découvrir un homme, mais pas n'importe quel homme. Un homme qui va vous parler de quelque chose que vous aimez. Ah, oui. Non, ce n'est pas moi en tout cas. Mais il va vous parler de bouffe, de cuisine. Je vous présente Marc Carnaval. Alors aujourd'hui mes enfants, un repas presque liégeois. On va vous faire la grande veuve quittant son nid pour aller mourir dans son lieu d'origine. Alors ça a l'air de spécimen. Chouette ambiance. Mais vous avez senti à la voix que c'était un monsieur qui avait beaucoup d'énergie et un charisme impressionnant. Il y a une chose qu'on aime tous ici. Regardez ce qu'on va faire. Beurre, je ne le dis pas assez. Du beurre. Du beurre, mais bien sûr, on veut du beurre. Et avec quoi d'autre dans ta recette? On va prendre un beau saumon. On va cuire légèrement. On le marque de chaque côté, comme vous voyez. On va bien le laisser prendre. Du saumon donc. Et sinon, avec le saumon, on le fait revenir avec quoi? On le retire bien au chaud. On enlève toujours l'excédent de beurre. Oh non. Toujours. Ah, c'est on le va meilleur. Y mettre Pinot de Charente. Ah. Et allez-y sur le Pinot. Faites-moi plaisir. Murgez-vous. Ah bah. Ça au moins c'est honnête. Honnête à 100%. Maëva elle a bien noté ça. D'ailleurs vous pouvez encore la convaincre un peu Marc. Un peu de vin blanc, pas trop de vin blanc. Parce que sinon vous savez que ça ne va pas le faire. Mais du vin blanc quand même. Oui hein. Donc on peut se murger avec cette recette, c'est parfait. Il faut rien de plus Marc. Je vais très vite exprès. Vous laissez bien cuire tout ça. Crème. C'est tout. Terminé. Vous assaisonnez. Sel et poivre. Et vous laissez prendre cette sauce comme vous avez envie. Mais il me crie dessus, ce monsieur, en fait. C'est agressif. Il me fait un petit peu peur, monsieur. C'est tout. Il me fait rire. Bon, bah voilà, recette simple, du saumon, de l'agneau et du beurre. Mais regardez-moi comme c'est joli. C'est pas beau, ça? C'est magnifique, j'en pleurerais presque. Pour ceux qui n'aiment pas, je m'en désarrête le saumon. Go! Ok, il finit comme il a commencé, hein, avec beaucoup d'énergie. Ah ouais. J'ai quasi envie d'avoir une deuxième recette. Oui. Ouais. Mais celle-là est made in Kix. Ah oui, ok, et je vois. Pâte au beurre. Ah, ouais. Ça, il sait faire. Alors, c'est comment qu'on fait des pâtes au beurre, Kix? Alors, la dernière fois que j'avais fait, c'était très simple. Alors, vous prenez des pâtes au hasard, hein, à une quantité que vous voulez. Hein, vous comptez rien parce que c'est moi qui prépare. Donc, du coup, généralement, je fais au pif. Et ensuite, vous mettez la moitié du beurre. Et puis, ça fait des pâtes au beurre, mais ça fait comme une île flottante, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il avait... Non, mais c'est très bon. Hein, c'est... Il avait une assiette de pâtes de type normal, une ration pour une personne. Et il a mis 250 grammes de beurre par-dessus ses pâtes. Il y avait tellement de beurre, le beurre a refusé de fondre. Non mais ça va bien, je le vis bien. Mais comment t'as faim, toi, si tu manges du beurre comme... Je sais pas, mais c'était très... Il a mangé trois pâtes et puis il a posé l'assiette sur le côté en disant « Bon, il y a peut-être pas de beurre. » Il s'est un peu forcé, mais il s'est dit... Tu sais, quand t'as les lèvres qui commencent à être chaudes, là, quand tu respires, là, tu sais, tellement que t'as de l'huile sur les lèvres. Je connais pas ça, moi je peux pas. Non, vraiment, déjà... N'importe quel plat, dès qu'il est trop gras, je n'y arrive pas. Ouais. J'étais dans une crêperie en France l'autre jour. La crêperie, il y avait plus de pâtes que de crêpes. Oh. Tu vois, de pâtes remplies d'huile. Ouais. Tout autour, tu sentais que la crêpe, elle pouvait dégager de l'assiette avec un coup de vent tellement elle était huilée. Oh. Ah, c'était horrible. Et vraiment, j'ai pas passé un bon moment. Mais tu manges un peu par politesse et puis tu l'as sur l'estomac. Moi, je peux pas manger gras, j'y arrive pas. Même quand j'ai du gras sur les doigts ou sur les lèvres, je suis déjà perdu, moi. Quelle horreur. Waouh. Mais dans les fast-foods, tu fais comment? Enfin, non, ça c'est de la bonne graisse. Le gras, c'est la vie. Oui, non, c'est pas pareil. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Attends, on a eu en début d'émission une danse avec les fesses là que tu nous as dit. Bah oui. Ah oui. Comment tu veux faire de la thérapie de fesses si t'as pas de fesses? Voilà. Ah oui, il faut avoir des fesses. Bah c'est pour ça qu'on va peut-être faire une recette de Bocuse alors finalement. Vous connaissez grand monsieur de la cuisine. Hommage de Marc. On va rendre hommage à Bocuse, mon idole. On va faire les pâtes à sa manière. On va changer deux, trois petits trucs, vous me connaissez. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette recette? Je vous laisse deviner. De la truffe. Du beurre. Ah, moi, j'étais parti sur des trucs. Bon, on écoute. Oui. Vous me faites cuire des pâtes dans du lait. 5 bonnes minutes. Sel, poivre, muscade. Bon, des pâtes, on est jusqu'ici comme sur la recette de Kix. Hein. Ouais. Alors... Je vais vous dire honnêtement, dessert, là, en fait. Je n'ai jamais entendu qu'on cuisait des pâtes avec du lait, mais c'est parce qu'à mon avis, je suis pas assez expérimenté en cuisine. Les mac and cheese, c'est les trucs américains, souvent ils feront avec du lait de base. Un truc que je bouffe pas. Ensuite, on a quoi dans la recette? Vous prenez un plat, vous mettez de l'ail, vous alliez A-I-12-L, yé. Ok, ensuite. Regardez-moi ça comme elles sont déjà belles. Oh bah attends, on les a pas encore vues, il manque, je pense, un ingrédient principal. On va y mettre. Un tout petit peu de beurre. Regardez-moi ça. Ah bah oui, je m'en charge. Alors, vous y allez en beurre, vous ne vous emmerdez pas. Le beurre, c'est bon pour la santé. Quoi qu'on en dise, nos régimeux, on y va. On met légèrement du beurre. Un chouïa de beurre. Voyez, un poco, comme diraient mes amis italiens. Très poco, comme on dit. On y va. Il a mis 250 grammes de beurre, comme Kix. Ah, bah tu vois. Oui, mais... sauf que lui, il a fait un plat industriel, ça veut dire qu'il y en avait pour 12 personnes, tu vois. Oui, bah ça va. Non, ça va pas. Je vais me préparer. Ouais. Bon, c'est pas tout. À part le beurre, Maëva, accroche-toi. Nous allons y mettre un tout petit peu d'Orval, comme ceci. Ah. Tendez vraiment bien l'Orval, comme ceci. Décroche le téléphone en même temps, oui, parce que ça sonne. Et sinon, on peut rajouter quelque chose peut-être pour nos amis français. On va y mettre un petit peu de herbe, du doux, pour mes amis français. Si vous n'avez pas du herbe doux, vous ne faites pas chier, vous allez vous chercher du maroilles ou un peu des poisses. Ça c'est dit, merci beaucoup Marc. On termine là parce que j'ai vraiment l'impression que c'est déjà très gras comme ça. Nous allons y remettre un tout petit peu de crème, pas trop de crème, comme ceci. Vous m'étendez bien tout ça. Il a mis un seau de 10 litres de crème dans le plat. Ce n'est vraiment pas une blague. Un tout petit peu. Mais là, je pense vraiment que le truc est saturé. On ne peut plus en mettre un ingrédient de plus. Ça deviendrait du massacre. On y met du fromage. 180 degrés. Ah. Et vous tapez ça au four. Ah, parfait. Donc au final... Et regardez-moi le résultat final. Tac, tac, tac, tac. Regardez comme c'est joli. C'est pas beau, ça. Tout est magnifique. Alors n'oubliez pas, pour ceux qui n'aiment pas, je m'en déterre le ver de terre. Go ! Le go, à la fin, il est tellement agressif. Ah, oh, je l'ai mal pris. Bon, ça vous a donné faim un peu ou pas? Parce que notre ami liégeois, là... Mais écoute, oui. Bah, je salive. Oui. J'ai faim. Je vous dis, très honnêtement, là, je salive. Jadoul, dès 20h, sur Gaïef. On a démarré l'émission avec l'homme pâle. Oui. Bon, oui. Bah, on continue. Ah... T'es là? Non, c'est une mouche. Ah, ok. Je me disais bien qu'il n'y avait pas beaucoup de paroles. Juste après le Blanklet et Claude sont de retour. Bienvenue. Toujours bloqué. Claude, ça va être à vous dans un instant, vous parlez pas hein, quand il y a la musique. Ah mais attends, moi je suis en train d'enregistrer ici. Hein. Moi j'utilise Audacity, je rip les CD. Tu vois, je grave après tout ça. J'enregistre la musique. Mais là on a l'antenne, vous pouvez plus parler là. Ah pardon, excuse. Mais je peux quand même enregistrer les CD. Je te filerai un gravé là. C'est gentil, merci. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Retour sur sa quête, Claude. Dis, tu vas arrêter avec ma quête. Claude, un ami de l'émission, cherche un job pour cet été. Il est en direct, en liaison avec nous. Qu'allez-vous essayer comme métier, Claude, cette fois-ci? Oui, ne quittez pas. Jadoul, je termine ici, hein, 2 minutes. Hein. Vous êtes où quel job vous êtes en train d'essayer? Non, madame, on a été coupé. Expliquez-moi, quel est votre problème? Ah oui, oui. Ah oui, quand même. Mais enfin. Allez. Et quoi? Hein? Hein? Ah oui, oui. Hein? Oh. Allez, dis. On se sent un tout petit peu exclu, Claude. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Alors, on vous envoie une dépanneuse et repasse assistance. Hein, prenez une petite bibine en attendant. Ils seront sur l'accident d'ici 1 heure. Voilà. Merci, madame. Allez, au revoir. Hein. Merci, madame. Au revoir. Allez, au revoir. Hein. Merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Vous êtes dans un call center en repasse assistance, en fait? Eh ouais, c'est la classe. Hein. Du vrai job de compétition. Hein. Je m'en sors super bien jusqu'ici. Hein. On dirait, ouais. Et la dame au téléphone, elle appelait pourquoi? Ah non, non, non. Ça, je peux pas te dire. Hein. C'est le secret professionnel. Hein. Bon, cette dame a appelé pour dire qu'on lui envoie une dépanneuse, son mari a crevé. Ah oui, les gens n'ont pas toujours un pneu de secours dans leur coffre. Ah non, ça va, les pneus n'ont rien. Hein. C'est son mari qui a crevé, il est mort en conduisant et c'est sa nana qui a géré le volant pour se garer. Mais il y a des dégâts. Oh là là, il y a des dégâts. Elle avait le pied sur l'accélérateur du 220 km/h sur le 411 avec une Seat Ibiza. C'est passionnant. Ah oui, quand même, et sa femme n'a rien? Non, la dame, elle est ok, hein, je la fais rapatrier. Vous avez besoin de son adresse ou l'adresse est déjà dans ses dossiers, dans son dossier pour la raccompagner chez elle? Non, hein. J'ai mis mon adresse, hein, comme ça la nana elle débarque chez moi ce soir. Hein. Livraison express DHL, hop, direct à la maison. Hein. Je termine mon service dans 30 minutes et hop, c'est parti. Non mais Claude, hop quoi, elle est veuve, elle est certainement pas consentante, en plus vous faites n'importe quoi. Mais enfin, je... Ouais, attends. Oui, Europe Assistant, bonsoir. Non ça, non. Non, ça, monsieur, c'est au 112 qu'il faut appeler, hein. Non. Ouais, oh! Je suis pas pompier, hein, couillon! Il y a une erreur? Mais oui, il comprend rien, ce gars. Monsieur, tu dois appeler les pompiers si ta friteuse est en feu, hein. Je vais pas t'aider, hein, on fait pas de ça, nous, hein. Claude, je vais devoir vous laisser gérer ça. Encore une fois, vous n'avez pas trouvé votre voie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau job. Non, on part pas, Jadoul. Part pas. Tu vas voir, je vais aider ce paye. Hé, monsieur! Tu sais ce qu'auraient fait les pompiers pour éteindre le feu de ta friteuse? Oui, de l'eau. Exactement. Allez, jette un seau d'eau sur l'huile qui brûle, là. Monsieur? Les gars? C'est vraiment des cons. Hein. Finissent tous par raccrocher. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Allez, 2 Orval pour Jadoulès. Jadoulito, également appelé Jean-Marie. Oh non, ça va. Hein. Dans un instant, on fait le blanklet. Merci de nous avoir choisis. On est en direct avec vous. Attendez, j'ai pas mon jingle Music Machine. Non, mais alors moi je participe pas s'il y a pas Music Machine. Bon, bah alors on va essayer de le trouver. Il arrive. Je l'ai, il est là. Ah voilà, c'est bon. Music Machine. Non. Ah, c'est pas celui-là? Non, c'est pas celui-là. Oh là là, quelle est difficile celle-là. Bon, on va tenter celui-là. Ah. The Music Machine. C'était bien. Ah, ouais, on a carrément des notes maintenant sur... Ouais, c'est bien. C'est un 8. On va se les mettre dans les toilettes comme dans un dîner presque parfait après. Qui a fait tomber quelque chose en ce film? Non, c'est un bic qui est tombé. On peut faire plus de bruit que ça. Il y a des gens qui bossent ici. Hein. Oui, ben, je vous demanderai un peu de respect puisque nous allons accueillir Maître Le Feu qui est de retour pour une nouvelle semaine. On l'a beaucoup aimé et on le réaccueille. Bonsoir Maître Le Feu. Je bosse aujourd'hui? Bah oui, c'est pour ça que vous êtes là, Maître Le Feu. Ah, moi, j'ai cru que c'était pour avoir un logement. Non, c'est parce que là, vous allez arbitrer, vous allez compter les points de l'équipe. Bon. Ok, ouais. Ouais, vous êtes visiblement très enclin de participer. Ça va quand même, hein? Ah oui. Ok, bon bah la joie elle est au sommet quoi, merci beaucoup. Bon c'est pas grave, on y va, vous comptez les points, hein, ça nous suffira. Et vous nous faites des signes dès que vous voulez parler, d'accord? Oui. Merci. On y va, premier extrait, tout le monde est prêt? Oui. Maëvat? Yes. C'est parti. Garde du Nord en novembre, les cheveux en pagaille. Le but est de reconnaître titre artiste original. Je sais c'est quoi, mais je sais pas c'est quoi. Qui me tend, qui me tord. Et ces chanteurs viennent de TikTok. Tout à coup me voilà. Loan ? Non, mais Kix, j'ai l'impression que tu réfléchis. Merci. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est vrai. Et bam. Et bam, c'est le titre. Ah, c'est Barbara Pravi. Non. Ah merde, non, c'est. Ah, je vois, j'ai sa tête. Mais lâche ton téléphone. Dans la poitrine. En plus, j'aime bien, mais. Maman, je l'ai fait pour ça. Comment, Kix? Je veux pas. Non, je sais. Attends. Si, je vois c'est qui en plus. Elle est connue récemment. Bah oui. Elle est belge. Elle est belge, oui. Mince. Je laisse 3 secondes, sinon le point ira entièrement à Maëva. Je l'ai fait pour toi. Bon, vas-y, elle le mérite. 3, 2, 1. Elle s'appelle Mentissa. Ah. Connue récemment, en effet, mais. Ah. Avec un petit coup de chance, un petit peu de lucidité, Maëva. Mais je l'ai reconnue dès les premières paroles parce que j'aime bien cette musique, mais je ne connais pas, donc voilà. Bon, c'est pas bête. Bien grave. Là, on avait une version deluxe qui nous était offerte par Lilou M. Et bam, dans la poitrine. Ça va, on va arrêter les souffrances, non ? Et plus fort que ma voix. Oui. Je l'entends frapper ce cœur qui bat. Oh, pardon. J'ai un coup de fusil qui est parti vraiment, mais tout seul. C'était, quoi. C'était si tragique sa version. C'était son dernier et bam. Ouais. J'ai la gâchette comme ça qui. Ah bah, t'as vu ouais. ça part tout seul. On y va mettre le feu. On compte un point pour Maëva. Non, c'est déjà fait. C'est bien, vous êtes vif. voici la deuxième manche. Lara Fabian ? Non. Ah, je sais pas, non. Ah, je pensais que vous alliez le trouver en 2 secondes. Bah, quand on a que l'amour. Bonne réponse. Amel Bent ? Non. Ah, non. Isabelle Boulay ? Non, elle est jeune. Vieux, elle est plus jeune. Vieux. Ouais, jeune. Mais plus ça vieux. A été repris tellement de fois. Belge. Ah. Vieux. Vieux. Genre, Jacques Brel, non, je sais pas. Quand on a que l'amour. Ah oui, c'est vrai. Ça n'a pas été repris. Tellement de fois. Promesse sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Tout à fait, c'est Jacques Brel. Juste. Ça fait mal, hein. C'était effectivement Jacques Brel, Maître l'ennui, encore un point pour les deux. Oh, déjà, c'est pas Maître l'ennui, non. C'est Maître le feu. Oh, pardon, je suis désolé. Non, mais. Oui, ben. Bon, il y a un point pour Maëva qui a trouvé. Ah, ben non, elle a trouvé les deux. C'est donc un point pour Maëva uniquement. Et Kix reste à. Comme moi, 0. Voilà, exactement. Allez, on y va, 3e manche. Oui, pardon, je suis un peu à la bourre. Hop. Vivre. Sous l'équateur du Brésil. Sous les sunlights des tropiques, Gilbert Montagnier. Viens sur TikTok. Viens danser sous les sunlights des tropiques. Oh yeah. L'amour se raconte en musique. Touche-moi le téton. On a toute la nuit pour s'aimer. Ah oui. En attendant, viens danser. Pardon. Viens danser. Je t'ai dit non maintenant, Sylvie, t'arrêtes. Allez, on continue vite les points. Ici, mettre le feu. On s'en fait 2 pour moi, Eva. Ok. Non, 3, parce qu'on a la 3e manche. Ah bah 3, alors je rajoute. Voilà, merci, vous êtes huissier de justice comme moi, je suis pompier. allez, on y va à la 4e manche. Parce qu'on a un peu la bourre. Free from Desire. Bonne réponse, c'est qui ? Ah. Nanana. C'est les artistes. Nanana. Bah, moi je sais. Ah, bah alors dis-le ! Gala. points partout, mettre le feu. Ah, ça sent. Merci. Et version TikTok, ça donne. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non. En solo ? Non, non, non, non, non, non, non. Ah, vous avez même pas l'air en plus. Allez, on se fait la finale, la dernière manche. Chagrin d'amour ? Bonne réponse. Hein ? Chacun fait ce qui lui plaît. Et pourtant, il a fait du yaourt. Hein. Pression dans les bars. Personne ne pousse à moi. Mais c'est incroyable, tu te rends compte qu'avec ça, Kix ? Mais oui, l'intro est en Eva a trouvé. Ah oui, mais c'est avec la musique que t'as reconnue. Mais bah, ouais, bah, la manière, ouais, l'intonation, ça m'a, oui. Parce qu'écoutez quand même. Sous mes pieds à la terre, sous tes pieds en fer, chacun fait. Allez, encore de la qualité qu'on a eu aujourd'hui. Maître Le Feu, qui a gagné ? Ça fait 5-1, c'est pour Maëva. Dis Maëva, tu veux bien m'héberger ? J'habite pas sur Bruxelles. Moi, je m'en fiche. Moi, j'habite partout, de toute façon. Ah oui, vous n'avez pas de... Mais ça doit bien payer, pourtant, maître huissier de justice, tout ça, non ? On est dans la trappe, hein. Faut pas se. Ah oui, mais la trappe, non, ça payait pas. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez que nous durant la semaine. Ah oui. Ah oui, d'accord. Mais je savais même pas que je bossais. Bah écoutez. En plus, je fais des heures supplémentaires, hein. Il est 22h. On va rester dans le studio pour dormir, d'accord. Merci, c'est gentil. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. J'espère que tout va bien se passer dans votre semaine. Oui, hein. Bah oui. Comme d'habitude. Et puis, c'est d'ailleurs écouté en podcast. Jadoul, dans la trappe. Bisous, bonne semaine. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Jadoul revient mercredi prochain.